La météo. Ah, ça c'est la très très bonne nouvelle hein. Pour demain, on sent l'été qui approche. Les températures demain, bon, ça caille un petit peu au lever du jour, hein, 3 petits degrés, mais ça va s'augmenter au fur et à mesure de la journée. On va frôler les 20 degrés et puis demain, le soleil est annoncé sur toute la région d'Orléans et ça fait du bien. Heureux d'être avec vous, comme je vous le disais, Sauvé Pandy, ils sont dans les studios, ils seront nos invités aux alentours de 16h30. C'est quoi, pourquoi, pour qui? Ben justement, on aura la réponse dans moins de 25 minutes en direct sur Radar Concert. Et puis à 16h25, je serai en direct de Bordeaux avec le collectif Métissé, nouvel album qui arrive le 30 avril dans les bacs. Et vous allez voir, c'est énorme. Et je peux vous le dire, c'est vraiment la grosse exclusivité. On est la première radio à le jouer. Et ça me fait plaisir qu'ils aient pensé à moi dans quelques moins de 20 minutes, le collectif. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, ça se passe comme ça l'après-midi, un peu de douceur pour danser la kizomba. Ouais, ça se danse encore la kizomba malgré que tous les clubs sont fermés, les salles de danse, les salles de spectacle. Un peu de soleil, El Rayos del Sol, voici All Homie, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Grande famille de chanteurs, hein, Jackson, Janet, la petite sœur avec Together Again. Et je vous rappelle, du côté de Fleury-les-Aubrais, que ce soir le conseil municipal se tiendra à la salle de la passerelle à 18h30. Alors en raison du confinement, ce conseil ne sera pas ouvert au public, mais bien retransmis en direct sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc pour vous qui habitez Fleury-les-Aubrais, connectez-vous dès 18h30. Et nous on va se connecter dans moins de 10 minutes, direction Bordeaux, avec le collectif Métissé. Je vous le disais, le nouvel album qui arrive fin juin, puis le nouveau single qui sort vendredi, il est là dans les studios des gens d'exclusivité. Et juste derrière, après nos invités, Sauvé Pandy, c'est quoi, c'est qui, c'est pourquoi, c'est, ben on en parlera avec nos deux invités qui sont bien arrivés dans les studios aussi. Ça me fait plaisir de les retrouver. Et puis du son qui arrive, ah ouais, un peu de chaleur, toujours sur la console. Voici Don Omar et Soledad. Se negó, por mi buen dolor. Como un cretino fue que yo olvidó. Lo que son las caricias. Des souvenirs, ah ouais, 1984, les anciens, forcément, ça va me rappeler quelques bons souvenirs sur la piste de danse à l'époque avec Evelyne Thomas, Hike Energy, et juste après, direction Bordeaux, le collectif métissé sera avec nos téléphones, sortez les boules à facettes, pour les clubs qui sont fermés en ce moment, un big up à tous les DJ qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel d'Orléans, salut la famille, voici Evelyne Thomas, Hike Energy, et direction la belle ville de Bordeaux. Go love. 16h22, dans quelques minutes, direction Bordeaux avec le collectif Métissé. Ça me fait plaisir. Salut à Marie-Jeanne qui nous écoute sur le 96.2 FM, qui me dit une grosse pensée pour Michel. Ouais, vous savez que Michel nous a quitté il y a un peu plus d'un mois. Le plus vieil animateur de France de radio était chez nous. 40 ans de radio, il est décédé il y a un mois et demi, on a encore une grande pensée pour lui. Il me manque d'ailleurs, je le relevais le lundi à cette heure-ci, et c'est vrai qu'il y a un vide dans la radio. Voilà, big up à toi mon ami Michel qui nous écoute de là-haut, et j'en suis sûr. Il va manquer dans les maisons de retraite, les EHPAD, parce que c'est vrai qu'il cartonnait avec ses petites maisons, et puis son petit accordéon, ça me fait plaisir. Voici le collectif Métissé, ils arrivent au téléphone juste derrière, Damé El Reggaeton, collectif Métissé, et direction Bordeaux. À 16h26 minutes, et puis comme je vous l'avais dit, direction la ville de Bordeaux, cette belle ville où il va y avoir du soleil en direct. On va voir normalement le leader du groupe ce collectif Métissé. Ça va me faire plaisir, il y a longtemps que je l'ai pas eu. C'est comme la valise RTL, il y a 4000 euros à gagner. Hein. Bonjour, Somar Ariba, bienvenue sur Radio Concel. On est en direct à la radio. Ça me fait plaisir de te retrouver. Comment tu vas bien? Je vais très très bien, à 4 jours de la sortie du nouveau single. Et voilà. On se chouchou et on est toujours en exclusivité, hein. C'est, tout va bien chez... Alors, le mat est là. Et ouais, une première chose, je voulais te remercier parce que tu m'as envoyé l'exclusivité, on va le jouer juste derrière, le tout nouveau collectif Métissé qui s'appelle Caliente Kuduro, qui sort vendredi. Ouais. Ouais, ça tourne autour du Kuduro, que du Kuduro, le single, il y a le clip, alors j'ai vu quelques extraits. Oui, le single, c'est vraiment un titre Kuduro, ouais. On avait fait un premier, et c'est l'année dernière qui avait très très bien fonctionné, mmh. Mais là, on a trouvé, je crois qu'on a trouvé la recette, tout le monde dit que c'est un tube énorme, Les gens ont besoin du retour des danses de l'été, ouais. Ils ont besoin de soleil, ils ont besoin de bonheur, de joie, et je crois qu'avec ce titre, on a trouvé le bon compromis, et dans l'album, c'est pareil, on a mis du reggaeton, mais on a mis beaucoup de titres un peu kuduro, zumba, pour que les gens, ils s'éclatent, quoi, ils ont besoin de s'éclater, et puis bon, on espère qu'après le 15 mai, ils vont s'éclater, donc on arrive bien le 30 avril. Ouais. Je pense que le 30 avril peut être le top départ. Le starter, hein, c'est ça. Voilà, ouais. C'est ça, le starter, exactement. Et c'est vrai que la potion magique va marcher parce que le kuduro, que ce soit dans les clubs, dans les campings, dans les soirées, etc. Partout. Tout le monde danse le kuduro. C'est un peu comme le Madison à l'époque, il y a 20, 30 ans qu'on commençait. C'est tout à fait ça. Hein. C'est un très bon exemple, c'est comme le Madison, le kuduro c'est un pas, tout le monde le danse, et c'est facile, même moi j'arrive à le danser, donc t'as qu'à voir. voilà, et je pense que en plus c'est un truc intergénérationnel, les gamins le dansent, les ados le dansent, les parents le dansent, les grands-parents le dansent, tout le monde peut danser le kuduro et ça c'est bien. C'est familial on va dire. Ouais, alors le clip il va arriver vendredi aussi avec le single. Vendredi à 6h30 du matin. Le titre sort à minuit une, partout, et le clip 6h30 du matin, que du bonheur. On a passé trois jours à le tourner que dans des lieux magiques, de la dune du Pilat à l'océan, bateau, jet ski, bouée. Ouais, j'ai vu on amène les gens en vacances, voilà. J'ai vu Croyde avait fait une cascade dedans, hein. Ouais, il a fait un super, il a été très courageux parce que il faut savoir qu'il faisait très beau, mais qu'on était au mois de mars et que l'eau elle était à 9 degrés, et il a fait trois fois le super pour qu'on puisse le filmer sous tous les angles. Bon voilà, il a été royal, et il y a tout dans ce clip, on amène les gens, on les amène s'évader, on leur donne l'avant-goût des vacances. Et je crois que ça va aussi faire du bien à tout le monde. Avant de s'écouter dans deux minutes là, le nouveau collectif métissé sur le 96.2 FM, la Caliente Kuduro, on exclut, je vous le rappelle, sur Orléans. L'intro de début, c'est du sax, c'est énorme, j'adore. Ouais. Ah, j'adore le début. Ouais. On a voulu, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de titre avec du sax hein, pour tout. Hein, ça remonte à très longtemps. Mais ma mémoire de DJ m'a dit ça serait bien qu'on remplace l'accordéon par un saxophone. D'abord, ça serait, les gens adorent ça, et je trouve que ça serait un peu innovant. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et c'est vrai que tous les gens qui l'ont entendu m'ont dit, ce sax là, l'intro, c'est vachement énorme. Bien. Ouais. Voilà, donc on a pris Fred Carato, qui est un super... Je l'ai connu, je l'ai croisé dans des soirées, je l'ai croisé, super mec. Ouais, super mec. Super mec, super saxophoniste. Et là, on s'est trouvé maintenant avec... ce titre-là, et je pense qu'il y a de la balle, il y a de la balle. Il y a de la balle. L'album, il arrive le 4 juin dans toutes les plateformes de téléchargement légal. Danza Latino, on a tout misé sur le latino. Un album, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui à faire un album malgré tout ce qui se passe, Sama? Oh, pour nous, non. Ça a rien changé. Ouais. Au contraire, bon, on a eu plus de temps. Et plus de temps, ben on a pu peaufiner, tu vois, et ça c'est bien. Il y a pratiquement pas de reprise. Non, c'est pas compliqué. On a été vachement inspiré. On savait où on voulait aller. Donc entre le kuduro, le reggaeton et la zumba, on avait vraiment de quoi. On a laissé de côté des titres qu'on trouvait faibles. On a gardé le meilleur du meilleur. On s'est permis de mettre un petit méga kuduro mix dedans. De notre ami Crazy Pitcher qui nous a fait un petit medley de trois titres kuduro de l'album. Tu vas voir, toi qui adore les Megamix, je le sais. Ah, j'adore ça. Y aller. Je suis un fan, toi. Voilà, je pense qu'on a tout fait. On a fait aussi des remixes pour les DJ parce qu'on sait qu'ils sont à l'arrêt, mais on pense à eux. Donc là, on a vraiment des super remixes aussi. Je crois qu'il y a tout. Et cet album-là, non, on a mis notre cœur et je pense que ça peut être un album qui va faire du bien, voilà. Le but, c'est de faire du bien, de faire plaisir aux gens et de leur donner vraiment du bonheur, du soleil, de la liberté, de l'évasion. C'est ça. C'est ce qu'ils ont besoin. Là, ça va exploser quand ça va repartir, Claude. Hein. Exactement. Voilà. À l'intérieur de l'album, on va retrouver une petite reprise ou pas, ou quelque chose qui vous touche. Il y a deux reprises dedans. Il y a Laisse-toi les bébés en espagnol. Ça, c'est votre premier titre. Hein, Laisse-toi les bébés. Voilà. Et on a refait on a trouvé une version. Zumba de la Bamba qu'on a refait avec le collectif BTC. Los Lobos, c'est ça? Non, la Bamba. Tout le monde connaît. Ouais. Et avec des rythmes percus, Zumba, tu vas voir, c'est une tuerie, ça aussi. Ça, c'est un truc qui va fonctionner partout parce que les gens, la Bamba, ils connaissent. Ouais. Puis, la Zumba, ils aiment ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a en reprise. Tout le reste après, c'est 100% collectif métissé. Bon, Laisse-toi les bébés, c'est aussi 100% collectif métissé. À part que là, on l'a fait en espagnol parce que c'est un titre que les gens aiment, connaissent, et on s'est dit, on va se le faire pour le trip avec un refrain espagnol. Voilà. Et ben voilà, donc on vous le rappelle, vendredi à 6h30, le clip, c'est ça, Claude, si je me trompe pas, Caliente Kuduro, et à minuit une, et bien le single sur toutes les plateformes de téléchargement légal, et nous, en exclusivité, on va le jouer sur Radio Arc-en-Ciel dans moins de 30 secondes, et puis l'album qui sort le 4 juin aussi sur toutes les plateformes de téléchargement légal, Danza Latino, Somariba. Il sort aussi dans les magasins en CD parce qu'on a tenu à garder le CD. Et ben c'est bien, et il faut. Voilà. Et on a un concert en streaming le 8 mai. Voilà, je voulais en parler. Les gens qui précommandent l'album sur le site du collectif Métissé, ils ont l'accès gratuit au concert. C'est un concert privé qu'on va faire dans une salle, mais on fait un concert. Voilà, parce qu'on veut continuer à faire ce qu'on aime. Ça va être énorme. Et puis, avant de se quitter, je voulais juste te passer un petit message. Un bon anniversaire à tes jumeaux. Voilà. Merci, 13 ans, ça grandit, c'est toujours là. Et j'ai vu des photos, parce que nous on se connaît quand même, j'ai calculé depuis 21 ans, Claude. Ça passe, hein, on s'est connus à l'époque, et ça me fait plaisir. Et j'ai vu l'évolution là, ils ont grandi, hein, ils ont grandi. Oui, c'est ça, trop vite. Soma, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Orléans, sur le 96.2 FM, et puis on va s'écouter le tout nouveau, alors si tu veux, Caliente Kuduro. Merci, à très vite. Salut mon ami. Voici le tout nouveau collectif métissé en exclusivité sur Orléans, Caliente Kuduro. Il n'est pas encore dispo, et bien on vous le joue pour vous. Merci à Somariba de nous avoir accordé ces quelques minutes. Danza Latino, Caliente Kuduro. Tu me dis que allez viens on va manger. Tu me dis que veux t'éclater, c'est ta liberté. Tu me dis que allez viens on va chanter. C'est l'exclusivité Radio Arc-en-Ciel sur Orléans. On est les premiers à vous le jouer sur FM. Danza Latino, Caliente Kuduro. Je pense que ça va cartonner cet été, ça, dans toutes les soirées, hein. Bah ouais, quand ça va reprendre. Le collectif métissé qui est avec nous au téléphone, le leader Somariba. Ouais, le groupe a 14 ans déjà, ouais. 30 ans de carrière, le mec, quand même, hein. De DJ aussi. Un bon ami que je salue, que j'aime toujours et qu'on s'aimera toute notre vie. Ouais, c'est ça. Latino, Danza, le collectif. Et puis ils arrivent dans quelques minutes. Je vous appelle la belle France Gall qui est là aujourd'hui, malheureusement, qui est partie il y a 2 ans. Elle a, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis, mais qui est ce fameux Panda? Il faut sauver Panda, et on en parle dans moins de 3 minutes sur Radio Arc-en-Ciel. Ils sont nos invités. Étrangement bien. 16h41 minutes avec la belle France Gall. France Gall qui nous manque malheureusement, ouais, une superbe chanteuse hein, qui avait gagné l'Eurovision dans les années 70. Un bon souvenir, ils sont nos invités, ils arrivent. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité, les invités du jour, en direct sur le 96.2 FM. Merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux l'après-midi. On va démarrer avec Jean-Pierre Fouqueux qui est là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fouqueux. On va vous passer le bonjour déjà, hein, on est poli quand même. Ouais. Et puis on va aussi, t'es venu avec un collègue. Comment, bonjour, ça va bien? Bonjour. Tu t'appelles Olivier comment? Olivier Satabin. Ça va Olivier? Ça va nickel. Bien la radio, bien installée. On est pas mal. Hein. Bon, vous êtes bien accueilli, merci à toi. Désolé, hein, vous êtes arrivé un peu en avance. Moi, je vous ai fait attendre. Hein, c'était un vrai plaisir. Les gars de Bordeaux au téléphone. Hein. Non, ils sont pas prioritaires, mais bon, comme ils avaient pas mal de choses à faire après, j'ai préféré les passer juste avant vous. Mais bon, on est bien dans les studios là. Hein. On est nickel. On va parler d'une chose. Alors moi, je me suis posé la question. C'est pour ça que ça m'a interpellé sur les réseaux sociaux, notamment. Sauver Pandy. Alors moi, au début, je me dis tiens, c'est un sujet qui est super intéressant. Ils vont sauver un panda. Non, mais pas du tout. J'ai été voir, je me suis renseigné, tu m'as envoyé la presse. Et du coup, c'est pas un panda, Sauver Pandy. Beaucoup de gens pensent que c'est un panda. Alors non, bah c'est une voiture, ouais, c'est ouais, une voiture qui s'appelle la Panda. La Panda, donc, comme voilà. L'animal. Ouais. Et nous, on a décidé de lui donner un prénom un peu plus sexy, et de l'appeler Pandy. Ouais. C'est une idée qu'a germé dans notre esprit à Olivier et à moi. Tous les deux, vous êtes les créateurs. Ouais, enfin créateur, je sais pas. C'est il avait acheté une voiture qui devait lui servir un petit mois. Et c'est puis, ça, Olivier. Un mois d'être servir. Et puis du coup, tu savais pas quoi en faire. Ouais, non. En fait, l'idée, c'est que j'étais entre deux camions pour mon entreprise. Ouais. Et en fait, il me fallait un véhicule à tout prix pour pouvoir faire au moins mes clients un minimum avec le minima. Et en fait, c'est un concours de circonstances. Et dans mon ordi, il y a une image qui est apparue, 250€ la Panda. Je me suis dit, tiens, mais elle est en bon état, vous la refaites ou alors elle est naturellement, elle est comme ça? Alors, elle était pas super quand on l'a récupérée. Elle était même rose. Maintenant, elle est rouge maintenant. Ouais. Mais du coup, comme on a décidé de faire un vrai cadeau à une personne qui pourrait la mériter, on a décidé de la reconditionner à plus de 80% en lui changeant tous les freins à neuf, les amortisseurs, les pneus, les roues. On lui refait un intérieur. Enfin, on fait une belle petite voiture qu'on va pouvoir offrir à quelqu'un qui est plus dans le besoin. Ça peut être un jeune étudiant, ça peut être une personne qui se sépare, ça peut être... Les accidents de la vie en ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid, donc on se dit, on peut peut-être donner un petit coup de pouce. Et si on a le soutien de quelques entrepreneurs, on va pouvoir faire une belle opération. Et il se trouve que les entrepreneurs ont répondu positivement à cette action. C'est bien. Et du coup, on est sur des beaux rails pour pouvoir livrer la voiture le 1er juin. Mais dis-moi, elle est pas collection, cette voiture, Stéphane? Parce que, non, la Panda? Cette voiture, elle pourrait être bientôt collection, hein, mais voilà, on se dit que c'est juste démarrage. Elle sera un peu plus tard collection. Mmh. Là, on voulait surtout rendre service à quelqu'un qui avait besoin pour se déplacer, quoi. D'accord. Alors, pourquoi justement faire cette opération? Faire plaisir à qui? Et pourquoi justement? Qui pourrait aujourd'hui avoir envie d'une Panda ou... Alors, cette opération, elle est née... Est-ce que vous avez éjecté des personnes? Par exemple, on parlait de collection, peut-être un collectionneur qui se dit, tiens, moi, je vais la récupérer pour, pour garder pour plus tard. Vous avez vraiment ciblé le public, entre guillemets? Ah oui, on veut cibler le public, puisque nous, le but, l'idée au début, je lui dis comme ça, moi, tu sais, une voiture, quand j'ai passé mon permis, une voiture, même dans cet état-là, ça m'aurait bien plu. Ouais, un jeune, quoi. Ouais, un jeune, quoi. Et puis, on s'est dit, avec le Covid, il n'y a pas que les jeunes, il y a une femme qui se sépare toute seule avec ses trois gamins, c'est pas comment les emmener à la garderie. Ouais. Cette voiture-là lui rendra service, quoi. Alors on s'est dit, est-ce qu'il y a beaucoup de travail dessus? Donc Olivier, qui touche un peu la mécanique et qui a pas mal d'entrepreneurs autour de lui. Il y a eu beaucoup de frais là-dessus? Ouais. Que les vieilles bagnoles en général. Hein. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des surprises au fur et à mesure. Surtout les vieilles Panda, c'est comme les vieilles 4L. Hein. Moi j'ai reçu ceux qui faisaient le 4L Trophy ici, là. Quand ils ont récupéré une 4L pour faire le 4L, ils ont eu quelques travaux dessus. Hein. Ah bah là, elle a eu une opération à cœur ouvert, ils ont changé le moteur. Ah carrément, repeint, elle est repeinte. Ouais. Non, on la laisse telle quelle, on considère que c'est un personnage, on lui laisse son histoire telle qu'elle est. Par contre, effectivement, le moteur avait besoin d'un gros coup de plus, donc on a été récupérer le moteur, on a eu pas mal de surprises parce que d'un modèle à l'autre, c'est pas tout à fait, il y a des petites évolutions. Mais c'est en train de se faire, voilà, on est riche de nos amis, c'est ce qu'on va dire, et du coup, on a pas mal de gens autour de nous qui sont des partenaires, qui donnent de leur temps, qui vont nous aider à restaurer la voiture. Et donc des mécaniciens qui s'occupent du moteur, et on a aussi un collègue qui fait spécifiquement de la restauration de voitures anciennes, qui va nous faire toute la partie sécuritaire, c'est-à-dire les amortisseurs, les freins et tout ça, quoi. D'accord. Alors comment gagner cette bagnole? cette voiture, cette panda, pardon, cette bagnole, moi je suis vulgaire, mais comment on peut la gagner, les critères? Alors, comment on s'est dit que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tout miser sur quoi? Bah, on sait pas. Nous, ce qu'on s'est dit, il faut que ce soit quelqu'un qui en ait besoin. C'est pas un collectionneur qui l'aura, ou c'est pas quelqu'un de 40 ans qui a déjà une autre voiture, qui peut vouloir la mettre dans son garage. Non. Nous, il faut que ce soit un étudiant, par exemple, qu'on a besoin. Ouais, ça serait sympa. Voilà. Ouais. C'est, comme je disais tout à l'heure, un couple qui s'est retrouvé au chômage suite au Covid, et puis il a retrouvé un job, mais les transports en commun vont pas, ou aux heures qu'il a besoin. Ouais. Bah, quelqu'un qui a besoin pour aller bosser, ou pour recommencer une nouvelle vie d'une voiture, elle est pas neuve, hein, mais cette voiture, on l'aura toute reconditionnée. On en aura fait une belle voiture, parce qu'on voulait pas laisser partir n'importe comment la voiture. Après, notre pensée était engagée, quoi. Je veux dire, il fallait que cette voiture puisse rouler. Donc, on met tous les moyens qui sont les nôtres. Mmh. Et donc, c'est vrai que on a la chance d'avoir une équipe qui s'est glissée autour de nous, aussi bien des pros de la mécanique qui ont dit, bah, nous, on vous aide, on y croit à votre projet, que d'autres partenaires avec des petites tâches, qui viennent nous filer un coup de main, comme il y a un concours, on peut pas prendre de risques, donc on a quelqu'un qui est avocat, qui a rédigé toutes les conditions. Un huissier, il y aura un huissier, non? Non? Un avocat ou huissier, c'est pareil, tout ça? Non, on va pas aller jusque là. Non, mais on sait jamais, tu sais, il y a toujours des gens un peu mal intentionnés qui vont dire oui, mais bon. En fait, on est assez, justement, on a un juriste qui a bien cadré le truc. Et en fait, nous, c'est plus un concours, en fait. Donc, il y a un jury, en fait. Il y a un jury qui est composé d'une personne qui s'appelle Christophe Train, qui est un réalisateur vidéo, c'est son métier. C'est bon, et puis, on va mettre 6 partenaires et 6 sponsors dans la boucle. Et en fait, toute personne peut participer. Il n'y a pas de distinction, en fait. Il faut juste avoir son permis, c'est tout. La seule condition, la vraie condition, c'est ça, perdre son permis et avoir besoin de la voiture. Voilà. Alors, comment vous allez faire la sélection? Parce que bon, il y a des jeunes qui nous écoutent, des moins jeunes. Ils vont dire, moi, je veux la gagner. Vous allez étudier le dossier selon les critères, parce que comme tu disais, le mec qui veut une voiture de collection, il l'aura peut-être pas. Le gamin qui a la fac, il en a peut-être besoin. Ça va être compliqué à sélectionner tout ça sur table. Alors, nous, ce qu'on demande à la base. Il y a juste 3 conditions, c'est être vraiment avoir besoin de ce véhicule, mais ça sera à nous de juger comme on pourra, parce qu'on va pas se permettre non plus d'aller fouiller dans la vie des gens, c'est pas c'est sûr. Il faut que les gens soient honnêtes aussi. Un mode de confiance. Mais comme on a une personne qui sait reconnaître des vidéos qui sont, on pourra déjà bien filtrer. La deuxième condition, c'est d'accepter de pouvoir rouler avec cette voiture pendant au moins un an logotypé, pour remercier nos partenaires. Ouais, c'est normal. En fait, ça véhicule une pub aussi. Voilà, ça véhicule une pub. Donc pour nous, pour les gens qui nous suivent, c'est une action de communication. Ça permet de faire un petit peu une symbiose entre les entrepreneurs et le monde à côté des particuliers. D'accord. Le truc, c'est que en fait, on va demander aussi à la personne qui joue le jeu. On a une page qui s'appelle Sauver Pandy. On veut qu'elle vive cette page et on veut que la personne 2 fois par mois nous envoie des photos du véhicule. Ah, du véhicule en action, en action. Pas stationné devant chez lui, quoi. Non, voilà, mais du genre tiens, aujourd'hui, grâce à Pandy, j'ai dépanné un pote. Il était en galère. On a été chercher un frigo. On a été chercher un truc parce qu'on peut mettre plein de trucs. C'est une petite Je l'emmène aux eaux de Beauval, tu vois. Je fais un selfie avec un panda. Ou tiens, j'ai été invité par Franck à Radio Arc-en-Ciel. Il peut venir devant, il se garde devant là. Bah tiens, une bonne idée, le mec il est ou la fille qui la gagne, il vient à la radio, il la garde en bas, et puis il vient en parler. Ça voilà, bien, ça. Une idée comme une autre, mais c'est typiquement le genre de publication qu'on aimerait voir sur ce truc. Et donc la seule condition, c'est de jouer le jeu et de faire une vidéo. Alors on demande pas aux gens de se livrer vraiment. Faut pas faire un Spielberg. Non, faut faire un truc un peu à la limite plus humoristique. Après nous derrière, on ira gratter plus au fond s'il y a vraiment un vrai besoin ou pas. Mais voilà, on a créé 2-3 vidéos un peu marrantes, mais c'est un petit peu extravagante pour dire aux gens lâchez-vous, faites-vous plaisir. Ouais. C'est et bien. Donc les gens vont sur le groupe Sauver Pandy, ils postent leurs vidéos. Et puis nous on les sélectionnera et on a une dizaine de jours avant le 1er juin qui est la date de délibération du jury pour pouvoir se rendre compte des vidéos qui sont vraiment impactantes. Ouais. On a 13 jurés, donc 13 cerveaux différents qui vont juger différemment avec un regard différent, leur affinité ceci, ça permet d'avoir quand même je pense une égalité quelque part, une chance pour tout le monde. Et ensuite, les 3 derniers, ils seront jugés par les 13 personnes qui vont se mettre d'accord sur un gagnant. Ça va pas être facile, Stéphane. Voiture. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Alors, ça dépend. Faut que les gens aient envie. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens. Bah, moi, j'ai envie d'en faire une, hein. Pour déconner, hein. Non, mais j'ai envie, moi. Mais même pour déconner, il faut, parce que du coup, ça va. Moi, je fais le mondo, moi, je fais les cascades, hein. Ça va peut-être motiver d'autres gens à le faire. C'est ça qui est intéressant. Moi, je veux bien vous lancer une vidéo, là. C'est quand la date limite, là? C'est jusqu'au 15 mai. 15 mai, on est le combien là? Ouais, j'ai le temps de faire trois cascades. Ouais. Il reste trois belles semaines. Je vais essayer de faire un truc à la radio, c'est marrant, je vous l'enverrai. Hein. Ouais, volontiers. Faut pas hésiter. Non, l'intérêt, c'est ça, c'est que ça passe. Donc alors, on fait une petite vidéo sympathique, c'est ça, le voilà, le but. On veut que les gens se mettent en scène pour se faire plaisir, et nous faire marrer, nous faire pleurer, enfin bref, peu importe le thème qu'ils choisissent. Plus nous faire marrer, surtout en ce moment avec le Covid. Ah oui, bien évidemment, on espère. Ça serait plus sympa, mais un peu d'émotion, ça peut être aussi. Il y a des belles histoires aussi qui peuvent être racontées. Une histoire d'amour, une histoire d'amour. Hein. Voilà, ça peut être un peu sympa. Ouais, vous ne faites pas une vidéo avec un chien dedans, vous l'abandonnez au bord de la route, hein, attention, hein, parce que non, mais il y a des. Ouais, ça va être moyen, quoi. Il y en a qui Y en a qui seraient capables, hein, tu sais. Oui, genre, abandonnez pas votre chien, voilà, un truc comme ça. Non, ça fera un coup de pub aussi, peut-être. Ouais, mais c'est déjà beaucoup moins sympa. C'est vrai, t'as raison. Alors, le but, donc, une fois qu'on l'a gagné, ce véhicule, eh bien, si vous êtes de l'autre côté de la radio, pour que vous êtes intéressé, comment on fait pour vous contacter aujourd'hui, les amis? Quelqu'un qui écoute, là, qui se dit, putain, moi, je l'ai gagné, cette bagnole. Vidéo et puis il la met dans le groupe Sauvé Pandi. Ouais, Sauvé Pandi. Sur Facebook, on a un groupe. La personne. On peut publier des vidéos? Oui, dans le groupe Sauvé Pandi. Ouais. Oui. D'accord, ok. Bon, il y a trois petites questions juste pour sonder un peu les gens, c'est pas très très grave. Et dès qu'ils sont acceptés, ils postent la vidéo qu'ils veulent. Voilà. Ah, j'imagine. En plus, je l'ai vu en photo. Là, elle est sympa la bagnole quand même. Avant quoi? Elle a rien pour l'instant. Elle va être décorée après. Non, elle est belle. Je trouve qu'elle est belle. Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça sympathique. Même pour un jeune qui a besoin d'un véhicule, qui se trimballe. Surtout avec les étudiants galèrent en ce moment. Le tram, machin, etc. Le mec, bon, bah. Ouais. Mais là, ça consomme un peu ça comme bagnole, non? Non, 5-6 litres, sont pas trop. Mais ce qui est sympa, c'est que des voitures, c'est des anciennes voitures. Ça va partout, ça. Ça passe partout. C'est très très léger. Ça fait 750 kilos. Par contre, du coup. Ça paraît petit, mais en fait, on peut mettre beaucoup de choses dedans quand même. On a un frigo dedans. Un petit frigo. On a l'argent. Ouais. Tu vois le mec, je vois la vidéo, il va faire ses courses, il remplit à fond, il dit bah voilà, moi j'ai fait mes courses avec la Pandi, un truc comme ça, tu vois, ça peut être sympa. C'est exactement ça. Enfin, j'ai des idées, moi j'en ai plein. On va lui mettre deux petits sièges baquets un peu sympas, où il a fait un petit intérieur un petit peu plus sexe. Sport. Un peu plus sport, un peu plus sexe. Ouais. On lui a mis des petites jantes qui sont marrantes. Elle a des deux petits antibrouillards pour lui donner une petite tête. Quoi, un peu 4x4. Elle démarque un peu du truc. Ouais, il y a eu la Panda 4x4 dans le temps. On va la rabaisser là. Ah ouais. Ouais. On a un collègue garagiste qui va nous faire ça. On a acheté tout ce qu'il faut. On va la rabaisser quelques centimètres pour qu'elle soit encore plus sympa. Ouais, sympa. Ouais, ça sera un petit véhicule. Il y a un peu de son dedans, non? Il y a de la musique? Il y a une autoradio? Il y aura un autoradio et il y aura les haut-parleurs d'origine. On a cherché des haut-parleurs d'origine. Olivier a trouvé ça. Un cassette? Parce que moi j'ai des cassettes encore. Non, on va mettre vraiment un truc qui recharge le téléphone et tout ça. Parce qu'on c'est moderne. Des jeunes. Oh là, attends. Mais par contre, les haut-parleurs, ils se font d'époque. C'est des trucs un peu marrants qui se coûtent. Parce que ma mère veut jouer à mon texto, mais le problème c'est qu'elle a des cassettes, elle. Donc, s'il n'y a pas de cassette dans la bagnole, c'est mort. Elle est nerf 5. Si vraiment elle la gagne en une semaine, je peux lui mettre un truc cassette. Parce qu'elle va coûter Mike Brandt à fond dans la bagnole. Elle adore ça. En fait, on se donne une semaine entre le moment où le gagnant sera tiré au sort et la remise des clés qui aura lieu le 5 juin pour pouvoir faire les papiers au nom de la personne, parce qu'on va faire la carte grise. La donner avec la carte grise. Ouais, heureusement, ouais. On est en train d'aller plus loin, mais pas une voiture volée, hein. Officieux. On est en train d'essayer de voir si on peut avoir une assurance. Il faut une assurance. Ah ouais, mais non, après, c'est la charge du propriétaire. On va essayer de trouver un partenaire. On essaye de livrer la voiture complète assurée. Surtout que cette bagnole, au niveau assurance, ça va pas coûter grand chose. Ça dépend, un jeune conducteur. Si c'est un jeune conducteur, c'est. Bon, ce sera un vieux, alors. Bon, les vieux qui nous écoutaient, là, allez-y, foncez sur la Panda. On essaie d'imaginer toutes les conditions possibles. Voilà, pour que la personne reparte avec une voiture et ça lui rende vraiment service. En tout cas, c'est une belle initiative. Alors, je vous rappelle que la clôture des vidéos et puis du jeu concours, c'est le 15 mai, c'est ça, t'as dit? 15 mai, ouais. Sur la page Facebook. Le groupe Facebook Sauvé Pandi pour pouvoir poster. Alors, il y a plein de publications sur la page Facebook qui s'appelle Sauvé Pandi. Ouais. On a un groupe qui s'appelle Concours Sauvé Pandi. Et c'est là qu'il faut aller. Et c'est là qu'il faut aller pour déposer les vidéos. Donc, vous allez sur Concours Sauvé Pandi, vous déposez une belle vidéo. Ça, combien de temps le time de la vidéo? J'ai pas demandé. Moins de 2 minutes. Une 3 ouais, de 2 minutes. Vous faites pas un film, hein. Ouais, non, mais un petit coup de délire. Vous allez voir, on a posté 2-3 trucs un peu. Vous avez fait, vous, juste pour lancer un peu le truc, par exemple, dire aux gens, bah voilà, il faudrait essayer de faire un truc comme ça. On a fait. On a une candidate qui s'appelle Daniela, qui est. Je me rappelle à l'époque, Kelmer Footbeat, c'est exactement ça. Cette dame, c'est une professionnelle de la santé qui est sur la route de Montargis, donc elle a fait sa petite vidéo. On a une mariée aussi qui a été laissée devant l'église. Ça peut être sympa, hein. Donc voilà, c'est pour donner des idées un petit peu aux gens, du coup, on peut aller. De faire un petit scénario pour nous faire sourire, quoi. Voilà, et en sourire, en ce moment, on en a besoin. Donc de l'autre côté de la radio, vous êtes étudiant ou pas, ça vous intéresse, ça vous a kiffé là, n'hésitez pas. n'hésitez pas à les contacter, hein, on vous contacte, vous nous appelez à la radio aussi, hein, sur le standard 02 38 43 48 00. Vous les contactez sur Facebook, hein. Il y a quoi d'autres réseaux on peut contacter? Il y a Instagram, Facebook, YouTube, et puis on a un site internet qu'on a créé spécialement pour ça. Ça s'appelle comment? Sauver Pandy? Sauver Pandy, voilà, pour les vous tapez le moteur de recherche Google Sauver Pandy, je pense que ça on va. Trouve que nous, ouais. On se prend. Sauver Pandy, ouais. En tout cas, c'est une belle initiative. Et puis, alors moi, ce que je propose, c'est que la personne qui va gagner, que ce soit un mec ou une fille, bah, qui vienne à la radio après. Bien sûr. Il se garde devant, on fait des photos, on se marre, et puis elle nous explique un peu comment elle a fait. Ouais, puis vous venez avec. Ça, hein, c'est super sympa. Ouais. Ça va être sympatoche. Volontiers. Hein. Ouais, ouais, voilà. Bah, merci les gars, Olivier. Merci. Merci. Hein. Donc on vous rappelle, hein, n'hésitez pas à faire vos vidéos, à les poster sur la page, le groupe, là, concours, le jeu concours, hein, Sauver Pandy. Sauver Pandy, c'est pas compliqué. Merci Stéphane. Non, Jean-Pierre. Jean-Pierre, pardon, pourquoi je t'appelais Stéphane? Parce que j'ai un Stéphane là. Oui, Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre. Ouais, Jean-Pierre, excuse-moi, Jean-Pierre Fouqueux. Je te remercie. Non mais j'ai tellement d'invités tout le temps que les noms, j'en ai partout. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir sur Radar Conciel. Vous pouvez vous filer un petit coup de pouce. On est là pour ça, les médias. Hein. Merci, voilà. Merci à vous. Vous êtes le premier à le recevoir. Un dernier mot, peut-être, pour conclure les deux. Bah, sauver Pandy. Ah, voilà. Et toi, tu vas voir, je dis pas la même chose. Je vais rajouter un truc, c'est que même si les gens sont pas intéressés pour eux-mêmes, ils ont forcément autour d'eux quelqu'un qui a besoin de cette voiture. Ouais, moi, ma mère, elle cherche une bagnole, ouais. N'hésitez pas à en parler, mais il y a pas de restriction, c'est ouvert à tout le monde. Il faut, moi, je pense que pour, hein, juste une petite vidéo, ça vaut le coup de la faire. Et éventuellement, si c'est ta maman et qu'elle est pas à l'aise avec la vidéo, fais-la avec elle. Ouais, mais elle a pas le permis, alors. Ah oui, c'est plus compliqué. Alors, je rigole. Non, elle a jamais eu le permis, d'ailleurs. C'est pas plus compliqué. Comment elle s'est démerdée dans sa vie, elle a jamais eu le permis. Bon, c'est pas grave. On en fera une sans permis un jour. Ah ouais, tiens, bah voilà, sans permis, ça aurait été sympathique. Merci, les amis. À bientôt. Merci, Franck. À très vite. Merci. À vous. Au revoir. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty? Or let the judges frown. 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you. If you'd only care. You touched my heart, you touched my soul. You changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head. Shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. As you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye my lover, goodbye my friends. Ah, ça rappelle des souvenirs ça. Allez, un petit clin d'œil au petit Amir qui vient d'arriver sur Terre. ça me fait plaisir. Longtemps, on adore. Et puis alors, je voulais remixer, version Zouk, voici Amir. Version Zouk sur la pensée à l'écouter, c'est énorme. J'ai des problèmes. Ça, Amir, un peu de zouk sur la planète. Sourire, 17h03, heureux de vous retrouver, c'est Francky dans la radio. Et puis cette version, bah je la kiffe, franchement, Bob Sinclair avec Jérusalem, hein, c'est sûr, pas d'apprentir un petit remix à la Francky, histoire de faire un petit peu plaisir, voilà les amis. Allô ? Il est l'heure, mon seigneur, de se réveiller. Voici Bob Sinclair, le remix de ouf avec Jérusalem. C'est exclusif. Et c'est sur Radio Arc-en-Ciel Orléans 96.2 FM. Yeah.

Frankie, Frankie Amaro, 17h17, donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps, baby. Ah, on est bien. Hein. Vous sortez du bureau peut-être, bah oui, tout le monde n'est pas en télétravail. Hein. Bon courage à vous si vous rentrez à la baraque, on est là. 96,2 FM, non, c'est pas le 102, c'est le 96,2 FM. Heureux d'être avec vous, ils étaient au téléphone avec nous tout à l'heure depuis Bordeaux, le collectif Métissé. Le nouvel album, eh bien il arrive le 4 juin et le nouveau single en exclusivité tout à l'heure à 16h, on l'a écouté. Le tout nouveau collectif Métissé, Kalente Kuduro, il sort vendredi dans les bacs, dans les bons bacs, hein, ouais, les plateformes de téléchargement légales, n'hésitez pas à vous le procurer en direct. Voici le tout nouveau collectif Métissé, s'il veut partir, mais comme il va pas partir, eh ben c'est pas grave. On va se faire à côté de tout à l'heure, le nouveau collectif Métissé en direct à la radio. De tu corazón y la suavidad de tu piel. Quiero tu cuerpo que me vuelve loco y no me puedo controlar. Estoy esperando de todo tu amor. Solo tienes que escuchar en la camita y encender un fuego y quemar en tus ojos. Tener placer hasta tocar el cielo. Nadie se da tanta como yo. Mi mano en tu pelo, besar tu boquita, con la pelota de tu cara. Quiero sentirte sin controlarme. Solo mirarte hasta en tu manita. Mi favorito, si no me quieres, dímelo. Sin ti no puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa. Eres mía. Aquí, mi amor, es el momento de decirte que ya no puedo. Mirar las ondas de tu cuerpo. Te necesito en todos momentos. Morenita, morenita. Cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Baby girl, you know me tired that they're running. I wanna be the dancer. I promise you, it's a stunning. It's true, it's true. You and I, just you and I. So let's fly away to that secret place. En la camita encender un fuego y quemar en tus ojos. En el placer hasta tocar el cielo. Nadie se da tanta como yo. Mi mano en tu pelo, besar tu boquita, contando la belleza de tu cara. Quiero sentirte sin controlarme. Solo mirarte hasta en tu manita. Mi favorito, si no me quieres, dímelo. Sin ti no puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa. 17h20 minutes, El Rayos del Sol avec Gio Rodriguez qui était notre invité il y a 2 ans à la radio, La Nueva Historia. Et puis c'est bon, il est revenu, hein, ils arrivaient de Bordeaux, c'est normal qu'il a eu du mal à partir. Ils étaient au téléphone avec nous tout à l'heure depuis Bordeaux, le collectif Métissé. Le nouveau single, il arrive vendredi, c'est le premier passage en FM sur Orléans. Voici Kalente Kuduro, c'est le collectif Métissé, c'est la famille. Dans sa latino, Kalente Kuduro. Es una fiesta loca, danza latino, caliente culo. Tu ritmo le beba, es una fiesta loca. Tu me dis que veux déballer, à la vie du bon côté. Tu me dis que. Allez bien, on va manger. Tu me dis que veux t'éclater, c'est ta liberté. Tu me dis que. Allez bien, on va chanter. Dans la latino, Caliente, ça. Même terrible. Le collectif métissé, Caliente Cudoro sur l'arc-en-ciel. Le single n'est pas sorti en France, attention, hein, sur la FM aujourd'hui, sur le 96 de FM en exclusivité. Merci au groupe du collectif de nous l'avoir envoyé en exclu. Ça me fait vraiment plaisir. Ne ratez pas la sortie officielle vendredi. Et puis l'album le 4 juin avec le clip. Hey, et puis Kenji qui reprend Jojo, Johnny avec l'envie. Voici Kenji Girac. Comme dans l'obscurité et puis la lumière, comme dans la faim, la soif, puis un festin, comme on lève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Comme dans la peine pour que j'aime dormir, comme dans le froid pour que j'aime la flamme, pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil, et qu'on m'enferme non pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier mais toujours. Bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Porque quieres engañarte, si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando

After Job avec Francky l'après-midi. Job avec Francky l'après-midi. What I'm feeling.

pas être pris. Je te promets mes larmes, mais plus tu ne t'en diras. Laisse-les, je serai toujours là à tes côtés pour te consoler. Tes problèmes, je les ai décelés. Alors maintenant, derrière toi, laisse-les. Je t'emmène, 17h54. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et ouais, puis la météo pour demain, c'est pas mal. La météo. Ah, la météo pour demain, eh bien on prend les mêmes et on recommence en mieux. Demain matin, le ciel sera couvert et nuageux, mais le soleil fera son apparition dans l'après-midi. 3 degrés au lever du jour et on va dépasser les 20-21 degrés. Et du soleil toute l'après-midi demain, ça c'est la bonne nouvelle pour ceux qui bossent en extérieur. Même dedans, hein, vous ouvrez la fenêtre, vous mettez la radio arc-en-ciel à fond et ça y est, c'est parti pour de la bonne humeur toujours encore. Et une grande pensée à tous les DJ de France aujourd'hui qui ne travaillent plus depuis... plus d'un an, et un mois et quelques, voilà, ça passe à l'ancienne, devant la glace, à l'époque, dans les boîtes. Tu te rappelles, quand tu faisais le pas de danse, 84, Oliva Chetam avec Get Down, Salada Night. Get down, down. Tube planétaire, hein, le Seigneur 80, ouais, pour vous qui sortiez en boîte à l'époque, rappelez-vous, allez voir Chetam, Get Down Saturday Night, le tube funky music de l'époque, comme le maintenant encore, hein, on danse toujours sur ces tubes de 30 ans. Heureux d'être avec vous, je vous retrouve demain à partir de 17h en direction RDP International et c'est le Portugal RDP International.